Lydie et Lottie n'iront pas de l'autre côté du monde. Pas cette fois-ci, en tout cas. Le soir venu, après que leurs parents les ont couchés, bordés et embrassés, Lydie, qui regardait par la fenêtre entrouverte, demanda à sa sœur. « Et la lune, tu crois que c'est loin comment ?»